la tête qui porte une couronne et sans repos. Béton, Fachi Béton, Papa Nafani, y'a David Mangaya, Rachel Futa, sans adversaire. Mon ganga pesinga résultat, y'a malaria 3+, akomelinga ordonnance, pendant la de la traitement bien, kasia bosana ki kotunanga. Soke banda kindenge nini Alain Maki ma crampe na makolo basperna jezole nganga ma vertige m'émotion hypertension ma titi na cesse a perfusé ngaye Patrick que perfusion des solutions Baraka et bandelia bolingo la Rachel trouble humain elle est inganzoto la grande dame Maya Blekonette Elvis Sugar maman jezole nganga le prince Maman Victoria, Maman Blessing, Trisha Diala, Fièvre Nyonso, Nanzo, Tweza, Debia, Malaria, Tefuta, plein de larmes dans mes yeux, Nifi, Jura, Inokira, Moune, Chengwa, j'ai senti quelque chose de nouveau transfigurer tout mon corps. Comme Jésus en pleine foule sentier des mandats qui m'a touché. La coquille au bombardier. Serge Chani. Kilo Bolingo passé. Et Ningi Singaye. Pour un sotanina et Kosana. Les bandelier Bolingo est à cœur troublé humain. Et les Inganzoto. Ivarno Adou. Tel Junior Nanga. Hector Gauthier. Boabitendaye. Patrick Abengele, l'homme le plus compliqué du monde. Destimanga, y'a Jean-Claude Mavamba. Rachel Futa, amour me boya salité. Neti kakali titi nakati, yo se ambonge kone mango. Bimamba le vrai. Atabate kisinga na langa, amona Jason. Pasolo la kaki. Transparence, les pâtés, Natalie Futa, Sika, Tonya, Toshayo, Rachel. destination est commis peine. Qu'on réduire tes bâtiments. Mon côté terre promise, tomber la laine à miel. Régine, on renouvelle. Les alliances, amour et lunaté. Tola qui s'en abandonne, qui est au linga nana yo. Double tour, Toto Chimula. Grandi Boss Life, Alex Ngimbi. PDG Owan, Sibayi. Grâce, Mbizi, la sexy. Grâce, Masikimi. Nenea, Kedo Kedo. Trésor, Louis Ndoula. Ya Roger, les combattants. Fadji, Abunda. Trop pour la démocratie, na Congo. Ya moi, force à tes poids, la élu. Comme chef de l'État. Je ne partirai jamais vaincu d'avant. Rachidi Maï. Nassi, la nana, Bango. Christelle Foot à la super latine. Trisha, Yala. Prise définition, Vinanga. Depuis mon enfance, na lingana nubo eti na krake. Brunel T+. Dimboka mwaka singa loketo, poe mesana na ngote. Brunel Wata+. Ya kingote po chaque fois, na singa na simon.